Bonjour, bienvenue dans Podcast Science numéro 29 avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut, professeur Fon. C'est un numéro sans Antoine qui a une vilaine toux. Alors, il voulait pas tousser dans le poste. Mais alors par contre, on a un invité, et un invité de marque, d'ailleurs à qui on va qui va nous aider à développer le thème de ce soir. Donc notre invité est Nicolas Gouvry. Bonjour Nicolas. Bonjour à vous. Salut Nicolas. Donc Nicolas, pour te présenter en quelques mots, tu es mathématicien et psychologue. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise? Oui, c'est à peu près ça. Enfin, j'ai d'abord fait des études de mathématiques et puis des études de psychologie. Mais en fait, mon diplôme le plus élevé, c'est un machin intermédiaire, c'est sciences cognitives. C'est D'accord. une thèse de sciences cognitives où j'ai travaillé sur un thème qui est à cheval entre mathématiques et psycho, comme j'adore. C'était sur la logique. Donc un thème un peu différent des statistiques dont on va parler aujourd'hui, je crois, mais toujours entre maths et psycho, là. Intéressant aussi la logique, ouais. Ok, donc peut-être pour expliquer comment on est, enfin peut-être que certains de nos auditeurs reconnaîtront ta voix d'ailleurs, puisque tu co-animes avec Jean-Michel Abrassard le podcast Scepticisme Scientifique. Ouais, je fais un numéro par mois. Voilà, ouais, co-animer, c'est pas exactement le terme, vous faites vos numéros en alternance, il en fait trois, t'en fais un, c'est Ouais, ça? c'est à peu près ça. J'ai voulu le dépanner quand j'ai vu qu'il était débordé. En tout cas, tu le dépannes avec brio parce qu'on a bien croché sur tes sujets. C'était vraiment intéressant. Et puis Mathieu est tombé raide dingue d'un des sujets que tu avais traité justement sur les statistiques. Et il a eu l'idée de t'inviter pour en parler, pour que tu nous aides à défricher un peu ce terrain particulier. Donc Mathieu, toi, tu as à peu près une tonne de questions. Oui, bon. Bon, évidemment, les statistiques, c'est un domaine très vague. Alors, on est évidemment un podcast science tout à fait conscient de l'importance des statistiques dans les avancées scientifiques, ça c'est indéniable. Mais aujourd'hui, on va peut-être s'arrêter sur une problématique un peu particulière des statistiques qui sont les biais statistiques. Alors bon, un biais, c'est finalement une démarche ou un procédé qui engendre des erreurs dans des résultats d'une étude. Alors, quand on parle de biais statistiques, il y a différents types de biais. Visiblement, ils peuvent être catégorisés en différents types. Alors, tu m'arrêteras, Nicolas, ou tu me corrigeras si je me trompe. Je vais peut-être en dire quelques-uns en vrac aujourd'hui, pour commencer. Et après, on s'arrêtera plus précisément, sur certains d'entre eux. Alors, quand on parle de biais en statistique, on peut avoir des biais de sélection. Donc, les personnes sondées ne sont pas représentatives de la population générale. On peut avoir des biais de mesure, les techniques de mesure sont incorrectes, des biais de publication, les données sont davantage diffusées lorsqu'elles arrangent les auteurs de l'étude. On peut avoir des biais de confusion, des biais d'un estimateur, alors peut-être qu'on s'arrêtera un peu plus précisément là-dessus, ça a l'air assez technique, je ne veux pas trop m'avancer maintenant. On a des biais de suivi aussi, lorsque deux groupes de patients ne sont pas suivis de la même manière au cours de l'essai. On peut avoir des biais d'attrition qu'on appelle, c'est le retrait de certains patients lors de l'analyse. Des biais d'évaluation lorsque la mesure du critère de jugement n'est pas réalisée de la même manière dans les deux groupes de patients. On a aussi des biais d'interprétation, erreur dans le mode d'analyse des résultats. Bon, on a toute une série de biais, on voit, et je les ai pas tous dit. Alors, peut-être pour commencer, je sais pas si professeur Fon, avant de commencer, tu voulais ajouter quelque chose? Non, non, c'est voilà une petite réflexion. C'est que les statistiques sont faites par des êtres humains, que les êtres humains sont biaisés. Enfin, pas tous, pas toujours, mais que finalement, c'est pas tellement surprenant, quoi. C'est pas une science exacte, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ou en tout cas, c'est pas toujours appliqué avec la rigueur nécessaire. Donc, je me réjouis d'en apprendre plus sur le sujet. Ouais, bah l'objectif, c'est justement de voir un peu à travers ces biais où on perd un peu de la rigueur dans certaines analyses et certaines méthodes statistiques. Alors, peut-être qu'on va commencer avec un des biais les plus évidents, qu'on appellerait le biais de sélection. Donc, des personnes sondées ne sont pas forcément représentatives de la population générale. Alors, moi, j'ai peut-être une première question pour Nicolas. Quand on parle d'audimat, donc, est-ce que. Moi, je me suis souvent posé la question si les mesures d'audimat sont des méthodes fiables, si finalement les échantillons utilisés sont représentatifs. Sachant que bah, c'est dommage qu'Antoine n'est pas là, parce qu'il avait tweeté il y a quelques semaines un petit tweet que j'avais repris, dans lequel on se rendait compte que l'audimat TV, donc pour la France, est extrapolé à partir de 10 000 personnes. Et ça fait partie d'un panel de 3 800 foyers. Donc ça fait tout juste 0,02% de la population française. Wow. Donc, bon, moi j'y connais rien en statistiques, mais vu comme ça me paraît un chiffre très faible. Alors je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Nicolas, l'audit. Ah non, c'est pas. En tout cas, la taille de l'échantillon est pas très faible. Et il faut pas regarder en proportion de la population générale, c'est pas ça qui compte tellement. D'une part, et puis d'autre part, faut garder une chose à l'esprit tout le temps, c'est que à partir d'un échantillon, on fait des estimations et il y a des marges d'erreur, c'est-à-dire que si on trouve, quand c'est pour des sondages par exemple, hein, si on trouve 52%, les sondeurs savent que en fait c'est pas 52%, c'est 52% plus ou moins 3%, par exemple. Et simplement, ce qui se passe quand l'échantillon est plus petit, voilà. À part là je parle pas des problèmes d'échantillonnage, hein, dont problème de sélection dont tu as parlé. Et s'il y a pas de problème d'échantillonnage, changer la taille de l'échantillon, ça va simplement changer la précision de l'estimation. D'accord. Donc s'il y a plus de monde, on pourra dire que c'est 52 plus ou moins 1% au lieu de plus ou moins 3%. Mais il y a pas de problème de taille d'échantillon si on veut avoir une marge importante et qu'on n'est pas, on n'a pas un besoin crucial d'avoir une estimation non seulement fiable mais restreinte. Et ben on peut très bien se contenter d'un échantillon de 10 personnes. Voilà, seulement. D'accord, donc l'important, ce n'est pas tant la taille de l'échantillon, c'est plus sur la sélection de la population qui est inclue dans ces échantillons, qui doit être représentative. Ouais. On peut dire ça. Ou plutôt que, je ne sais pas si on dit exactement la même chose, mais disons que la taille de l'échantillon, ça va modifier la précision du résultat, ouais, en termes de marge d'erreur. D'accord. Mais donc ça ne fait pas qu'on se trompe plus souvent, ça fait simplement que ce qu'on dit est plus flou. Donc au lieu de dire, on sait qu'entre 1 million et 1,1 million personnes regardaient l'émission, ben, on pourra seulement dire que c'est entre 100 000 et 2 millions, puis on ne pourra pas être plus précis, ouais, s'il n'y a pas assez de monde. D'accord. Voilà. D'accord, donc si la quantité de l'échantillon est insuffisante, finalement, ça donne simplement un résultat un peu moins précis, un peu plus flou. Voilà. Par contre, si la qualité de l'échantillon n'est pas au rendez-vous, là je pense notamment à une étude récente, enfin de l'année dernière, de l'université de British Columbia, qui a démontré qu'entre 2003 et 2007, 80% des sujets d'études dans 6 grands journaux de psychologie étaient des étudiants en licence. Et que 96 ou 96% de tous les échantillons proviennent de pays qui constituent 12% de la population mondiale. Et les auteurs de l'étude ont surnommé ces populations les « weird populations », donc « weird », ouais, comme « bizarre » en anglais, pour « Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic », et estiment que ce sont les moins représentatifs des catégories pour établir des généralisations sur les êtres humains. Je sais pas, ça laisse un peu songeur. Est-ce que toi, tu confirmes, en tant que statisticien, le biais de représentativité qui est présenté dans cet exemple? Oui, alors pour la psycho, c'est une blague récurrente, ça, qu'on n'arrête pas de dire. Quelqu'un avait dit, un psychologue, je ne sais plus, j'ai plus le nom là, mais en tête, mais avait dit qu'en réalité, la psychologie, c'était l'étude de la psychologie des étudiants de psychologie, parce qu'on n'étudie que ça. Alors ça peut être problématique dans certains cas, il ne faut pas non plus dramatiser. Ça peut être problématique si quelque chose est vrai pour les étudiants de psychologie et pas pour les autres. Mais alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même des gens qui réfléchissent derrière. Donc, quand ça, il semble y avoir une raison pour laquelle les étudiants de psychologie pourraient ne pas se comporter comme les autres, donc par exemple, si on les interroge sur leur vision de la psychologie des humains en général, on peut se dire que les étudiants de psycho vont avoir une vision particulière, quoi. Ou sur ce qu'ils pensent des études supérieures, ou de ce qu'est la science, ou des choses comme ça. Mais alors, quand on a un thème comme ça, dont on peut penser pour de bonnes raisons que les étudiants de psycho ne répondront pas comme le reste de la population, en général, là, on fait attention à ne pas prendre des étudiants de psychologie, pas seulement. Et si un auteur le fait, en général, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un certain temps, quelqu'un d'autre, un autre chercheur, se dit « je vais quand même vérifier si c'est vrai avec les autres ». Mais ceci dit, c'est vrai qu'il y a des exemples Et notamment, alors il y en a un que j'ai vu récemment qui est vraiment frappant pour montrer qu'il y a quand même effectivement un problème. Parce que des fois, on met beaucoup de temps à se dire que peut-être l'échantillon n'est pas représentatif. C'est sur les préférences numériques. C'est un thème qui a été étudié depuis au moins 40, voire 50 ans en psychologie. Quelque chose qui a étonné les gens, c'est que si on demande à n'importe qui, pas forcément aux étudiants de psycho, là, de choisir un chiffre entre 0 et 9, eh ben, y a beaucoup de gens qui disent 7. Au lieu d'avoir 10% pour chaque chiffre, on a à peu près 30% de gens qui disent 7. Ah ouais? Et alors l'expérience a été faite d'abord aux États-Unis, puis au Canada, puis en Europe un peu partout, et à chaque fois c'est 7. Et là, alors ce qui est marrant, c'est que plus de 30 ans après les premières considérations sur cette préférence du nombre 7, ça s'appelle même le 7 phenomenon en psychologie, plusieurs décennies après, il y a des gens qui ont commencé à faire des théories super compliquées pour expliquer pourquoi c'était le 7, et en s'appuyant notamment sur les propriétés des nombres. Et il y a Griffiths et Tenenbaum, ces deux psychologues très connus et qui sont assez orientés vers les mathématiques, ils aiment bien ce qui est un peu compliqué en maths. On dit, voilà, on va regarder dans les chiffres, en fait, à quoi pensent les gens. Et ben, ce qu'ils repèrent comme propriété des chiffres, c'est que, par exemple, 2, 4, 6, c'est des nombres pairs, que 5, c'est juste au milieu de l'intervalle, ou des choses comme ça. Et donc, quand on leur demande un chiffre au hasard, ils vont chercher un chiffre qui a peu de propriétés. Et c'est le 7 qui a le moins de propriétés parmi celles qui nous viennent à l'esprit. Voilà. Alors, ils ont développé toute leur théorie là-dessus. Et bizarrement, il a fallu plusieurs décennies avant que quelqu'un ait l'idée d'aller faire la même expérience ailleurs que justement dans les pays riches démocratiques. Et quand ils l'ont fait, ils se sont aperçus qu'au Nigeria, on préfère le 2, qu'en Tunisie, c'est le 9. Là, je ne suis pas sûr des résultats, mais enfin, en gros, que dans des pays différents, on trouve des préférences numériques complètement différentes, ce qui fait que toute la grande théorie sur les propriétés des chiffres et l'explication du 7 par ses propriétés, c'est n'importe quoi. Visiblement, c'est culturel, et donc on peut imaginer que ça vient plutôt de l'importance du chiffre 7 dans la Bible, et puis voilà, ça c'est apparemment purement culturel. Ouais, parce que c'est souvent considéré comme un chiffre un peu magique, le chiffre 7 aussi, donc peut-être voilà, c'est pour ça qu'on a tendance à le dire plus facilement aussi, peut-être. Ouais. Et donc là, bah, ouais, on voit qu'effectivement, il y avait un biais, un problème d'échantillonnage. On n'a pas pris les gens comme il fallait, ce n'était pas représentatif. Et il a fallu des décennies avant qu'on s'en aperçoive. Quoi. Mais enfin, on a quand même fini par s'en apercevoir, c'est ce qui est rassurant. Oui, finalement. Mais bon. Heureusement. D'ailleurs, c'est tout l'intérêt de la démarche perpétuelle de remise en question de la science. Quoi. C'est que finalement, elle permet de se remettre en question et de corriger ses propres erreurs. Ça, c'est un mécanisme d'autocorrection. Ouais. Bon. Peut-être pour enchaîner, tu voulais rajouter quelque chose, professeur Fon, là, sur... Non, du tout. Vas-y, enchaîne. Non, alors il y a un autre biais qui est intéressant, c'est le biais de publication. Donc, on aura peut-être l'occasion d'en revenir un petit peu plus tard aussi dans la discussion, mais donc un biais de publication, ce sont lorsque les données sont davantage diffusées, lorsqu'elles arrangent les auteurs d'une étude. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Est-ce que ça se passe souvent via ton expérience? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, pour moi, c'est pas... J'aurais pas dit comme ça ce que c'est que le biais de publication. J'aurais dit plutôt que ce qui étonne ou les résultats positifs sont plus facilement publiés que les résultats négatifs. Ah, d'accord. C'est plutôt ça le truc. Ouais. Et... Parce que je crois quand même qu'il y a des... Bon, évidemment, je ne suis pas naïf à ce point-là, et donc je sais bien que si ça arrange toute l'industrie pharmaceutique qu'on trouve qu'un médicament fonctionne bien, il y a des chances qu'il y ait des publications dans ce sens, parce que simplement, ils vont payer des gens pour publier, puis ils vont réussir à bloquer la publication d'articles qui iraient dans l'autre sens. Bon, mais pas complètement. En général, c'est quand même... un peu limité, si je reprends cet exemple, hein, parce que je ne voudrais pas tomber dans le complotisme. En général, ce qui se passe, c'est que si toute l'industrie essaye de faire croire qu'un médicament fonctionne alors qu'il ne fonctionne pas, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de publications sur le médicament contradictoires. C'est-à-dire, il y a plein de publications qui disent que c'est bien et plein d'autres dans des grandes revues aussi, éventuellement les mêmes, pour dire que ce n'est pas vrai. Donc on n'a pas un tableau complètement homogène pour dire un truc faux, quoi. Mmh. Bon, mais alors pour revenir au biais de publication, pour moi c'était un truc plus général, c'est que si par exemple je m'amuse à tester tout et n'importe quoi pour savoir si ça donne le cancer, là je reprends l'exemple que j'avais mis dans mon livre qui est inventé, mais enfin ça illustre bien ce que c'est. Excuse-moi, dans ton livre, tu as écrit un livre ? Oui, livre qui s'appelle Statistiques, méfiez-vous. Ouais. Paru chez Ellipse, je crois que c'était en 2007. Et donc, je passe en revue justement pas mal de biais statistiques ou d'erreurs statistiques dans lesquelles on peut tomber assez facilement. Ah, bah, on savait pas, tu vois. Ça, on est en plein dans le sujet. Voilà, j'évoque ce biais de publication en lien avec autre chose qui est que si on teste plein de fois quelque chose de faux, donc par exemple, je prends plein de produits. Pour savoir si c'est cancérigène ou pas, et puis j'en mets sur des groupes de souris et pas sur d'autres, même si tout est très bien fait, avec les statistiques, il y a toujours une marge d'erreur. Ce qui fait que si je fais ça très très très souvent, je fais plein d'expériences comme ça, et ben je vais avoir de temps en temps un résultat positif, alors qu'en fait il n'y a rien. Et donc ce que je disais, c'est simplement, si vous envoyez un article à une grande revue de médecine en disant « j'ai testé le carton et c'est pas cancérigène », évidemment ça intéresse personne, tout le monde s'en fout parce que personne n'a jamais pensé que le carton ça pouvait être cancérigène. Donc du coup l'article est refusé. Mais si vous continuez à le faire avec plein de substances comme ça, puis vous finissez par en trouver un, donc par exemple ça va être autre chose, ça va être l'eau du robinet, et puis ça tombe par hasard, vous arrivez à démontrer que c'est cancérigène, mais en fait c'est pas vrai, c'est seulement que vous avez fait tellement d'expériences qu'il y en a une qui foire. Et là, par contre, il y a des chances que ce soit publié, parce que du coup, c'est une révélation, ça a un intérêt pour la médecine. Ouais. Voilà. Alors, on pense que c'est ce qui peut se passer avec... maintenant, ils ont des trucs de contrôle un petit peu, mais avec tout ce qui est parapsychologie, sur quand ils testent, attirent l'arigot, pas la télékinésie, parce que c'est un peu différent, mais la télépathie, par exemple. On fait des tests, on fait des statistiques, et puis une fois de temps en temps, on a l'impression que ça marche. Bon, ça, c'est normal. Le tout, c'est de savoir si ça marche plus d'une fois sur 20, auquel cas ça veut dire quelque chose, sinon non. Mais si on publie que les fois où ça marche, on a l'impression en lisant les publications que ça marche à tous les coups, évidemment, puisqu'on voit que ça. Voilà. Alors je disais quand même dans mon livre, et donc je répète ici, qu'il y a quand même un contrôle qui se fait. Et si, par exemple, moi j'envoie mon papier pour dire que le carton ou l'eau du robinet est cancérigène, et s'il est publié, évidemment, il y a plein de gens dans le monde qui vont se dire c'est quoi ce délire et qui vont essayer de refaire l'expérience. Et ce coup-là, une fois que moi j'ai publié mon truc, si ça a fait du bruit surtout, eux, ils pourront publier un article qui dit le contraire. Et donc, voilà, quand vous avez un résultat qui est publié qu'une fois, il faut s'en méfier à cause du biais de publication. Quand il y a plein d'expériences qui vont dans le même sens, des réplications, là c'est différent. Il y a le biais de publication au sens où moi je l'entends en tout cas. Ne joue plus après la première expérience. Ouais, la deuxième publication. D'accord. Donc le peer reviewing est très important suite à une première publication finalement aussi pour non seulement revoir comment a été fait l'expérience et pour essayer de la reproduire aussi et la valider. Voilà. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un autre danger aussi lié au biais de publication qui fait que toutes les hypothèses qui n'ont pas abouti ne sont pas publiées et du coup on passe à côté d'informations qui doivent être précieuses pour comprendre un phénomène, non ? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Parce que... si on ne publie que les hypothèses qui se sont vérifiées, enfin que les études dont les hypothèses initiales se sont vérifiées à l'arrivée, c'est un peu ce que tu disais également, non ? Dans le biais de publication, c'est-à-dire que si l'hypothèse de départ n'intéresse personne ou si finalement elle n'a pas abouti, la publication ne se fait pas. Ou est-ce que c'est moi qui ai mal compris ? Ah bah, c'est-à-dire que ça se fait si ça remet en question une idée reçue. Si tout le monde pense que le carton est cancérigène, je peux publier quelque chose qui montre le contraire. Mais, d'accord. Mais on ne va pas publier un résultat... Quand je dis un résultat négatif, ça veut dire donc, prouver que quelque chose n'est pas cancérigène, ou qu'il n'y a pas d'effet, ou qu'il n'y a aucun lien entre deux variables. Si personne n'a jamais pensé qu'il pouvait y avoir un lien entre les deux, démontrer qu'effectivement il n'y a pas de lien entre les deux, c'est pas... Effectivement, l'intérêt est tout relatif. Ouais, okay. Donc je crois pas non qu'on passe à côté de grand chose là-dedans. Par contre, après, Si je me rapproche un peu de la définition que vous aviez un peu plus large du biais de publication, y a, évidemment, la science, c'est, comme tu disais, quelque chose d'humain, et alors il y a énormément d'effets de groupe. Ce qui fait que quand il y a des phénomènes pour lesquels on a deux hypothèses, ou deux théories, disons, qui a priori ont la même qualité, on ne sait pas trop trancher, c'est souvent le groupe le plus puissant qui l'emporte, tout simplement. Et indépendamment de la qualité intrinsèque des hypothèses, hein, s'il n'y a pas une vraie grosse différence, il y a des histoires de groupe, ouais, des histoires sociales, là, qui peuvent jouer aussi sur les publications. Ouais. D'accord. Tu bouges ton micro peut-être, ou bien il me semble qu'il y a un peu Ah, de bruit. Ou je bien... suis désolé, ouais. ouais, c'est peut-être juste d'éviter de le trop le bouger. Un autre biais, alors là, moi c'est un biais qui m'a un peu interpellé parce que j'ai pas tout compris. Peut-être tu vas pouvoir nous éclaircir. C'est ce qu'on appelle le biais d'un estimateur. Alors, j'ai repris la définition qu'on trouve dans Wikipédia, qui dit que le biais d'un estimateur, c'est la différence entre l'espérance de l'estimateur et la vraie valeur du paramètre qu'il est censé estimer. Et toujours selon la Wikipédia, ce qu'on appelle un estimateur en statistique, c'est une valeur calculée sur un échantillon et que l'on espère être une bonne évaluation de la valeur qu'on aurait calculée sur la population totale. Oui, dans les définitions de biais, ce que j'aurais peut-être dû dire en introduction au début, dans les exemples de biais que tu donnais, il y a un mélange entre certains qui relèvent de la méthodologie, donc ce n'est pas véritablement des statistiques, d'autres qui relèvent de l'échantillonnage, donc c'est la formation des groupes sur lesquels on va faire les études, et puis là, ça porte vraiment sur les statistiques. C'est un peu D'accord. différent. Ah ben c'est bien que tu relèves ça, ouais, c'est bien. Alors, c'est pas très difficile à comprendre. Si, par exemple, on veut estimer une moyenne, alors je prends un exemple très concret, je voudrais savoir combien mesurent les adultes en France en moyenne. Ouais. Comme je ne vais pas pouvoir mesurer tout le monde, je vais prendre dans l'idéal des gens au hasard. Donc je suppose que c'est au hasard, mais quand ce n'est pas au hasard, c'est un problème d'échantillonnage. Donc je prends des personnes au hasard et puis je calcule la moyenne sur les 100 personnes que j'ai trouvées. Mettons que je trouve 1,75 m. Si j'avais pas pris ces 100 personnes-là, mais 100 autres, toujours par hasard, j'aurais sûrement pas trouvé exactement pareil. J'aurais peut-être trouvé 1,76 m, 1,74 m, voilà, Ouais. quelque chose comme ça. Donc ce qu'on regarde de manière complètement théorique, c'est qu'est-ce qui va se passer globalement, c'est-à-dire est-ce que je vais souvent trouver la bonne moyenne ou à peu près la bonne moyenne, etc. Et en fait, on peut considérer que la moyenne que j'ai trouvée de 1,75 m, je l'ai trouvée par hasard, et que c'est donc une réalisation d'une variable aléatoire. C'est comme si j'avais jeté un dé, en fait, en choisissant mon échantillon de 100 personnes, j'ai jeté un dé qui m'a donné 1,75. Et donc, on regarde le lien entre ce qu'on trouve, le 1,75, et puis la vraie moyenne qu'on ne connaît pas. Voilà. Et alors, quand tout se passe bien, comme pour la moyenne, ce qu'on trouve en moyenne, ça correspond à la vraie valeur. C'est-à-dire que si je prends des échantillons de 100, ben un coup je trouve 1,75 m, un coup je trouve 1,74 m, etc. Ça varie. Mais si je prends toutes les moyennes possibles que je peux observer, eh ben en moyenne, je fais la moyenne de toutes ces moyennes, donc j'obtiens la vraie grandeur moyenne des adultes en France. Voilà, ça s'appelle on dit un estimateur. L'estimateur, c'est la grandeur d'un échantillon qui sert à estimer la grandeur moyenne de la population. Et le biais, ce serait la différence entre ce que je trouve moi en moyenne sur un échantillon et puis la réalité. Pour la moyenne, c'est pas biaisé, sinon. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de biais, c'est-à-dire que je vais trouver en moyenne, donc il y a des variations, mais ça tourne autour de la vraie moyenne que je cherche, la vraie valeur. Voilà. Et puis pour d'autres choses, parce qu'on n'estime pas que des moyennes, on peut estimer d'autres choses. Pour d'autres choses, il y a des biais parfois. Et quand on arrive à les connaître, eh ben on peut les corriger. Voilà. Mais dans la plupart des cas concrets, en statistique, quand on utilise des estimateurs, ce sont des estimateurs non biaisés. Ou bien la bonne valeur. Un estimateur qui serait biaisé, par exemple, ce serait quoi? Alors un estimateur biaisé, ce serait par exemple le maximum. Voilà un exemple très simple. Si je veux savoir la taille maximum des adultes en France et que je prends des échantillons de taille 100, J'aurai toujours des valeurs inférieures au vrai maximum. Et puis, de temps en temps, quand j'ai le plus grand, j'aurai la bonne valeur. Mais donc, en moyenne, ce sera trop petit. Ouais. Ok. Ouais. D'accord. Ça, c'est clair, ouais. C'est clair, professeur Fun ? Ouais, ouais, c'est... la notion avait l'air compliquée au départ. C'est parfaitement limpide maintenant. Merci beaucoup. Un autre biais, biais d'interprétation, alors tu me corrigeras si c'est pas exactement ce que je dis, mais ce serait l'erreur dans le mode d'analyse de résultats. Je crois que professeur Fon, tu voulais poser une question là-dessus. Ouais, moi je me posais la question de la compréhension des journalistes quant aux statistiques, quand ils relaient des informations, scientifiques ou non d'ailleurs. Je sais pas, je pense par exemple à l'augmentation de la criminalité qui fait régulièrement les titres de manchette. En Suisse, par exemple, on sait que les actes criminels augmentent en chiffres absolus, mais on oublie en général de tenir compte de l'augmentation de la population. Donc en réalité, en chiffres relatifs, la criminalité globale a tendance à baisser depuis 10 ans. Donc voilà, ma question c'est, est-ce que les journalistes comprennent les statistiques? Est-ce que selon toi, ils en comprennent bien les enjeux? Alors je pense qu'en général, non. Franchement, pour avoir discuté avec quelques journalistes, je pense qu'en général, ils n'ont pas de formation statistique suffisante pour comprendre. Mais il me semble aussi que même s'ils avaient la formation suffisante, donc même s'ils comprennent bien... les statistiques, ils ne peuvent pas se permettre dans les journaux grand public, en tout cas, de détailler suffisamment pour que ce ne soit pas trompeur. Je crois que c'était un vrai problème. Mmh. Si j'explique un petit peu, c'est, par exemple, quand on a des indices, donc je ne sais pas si tu parles de la criminalité ou des choses comme ça, pour être bien rigoureux, il faudrait savoir exactement ce que c'est, donc ce qu'on mesure. Et puis, donc il faudrait détailler, quoi. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, bon, bah, ça a été fait pour mesurer la criminalité, donc on va identifier ça à ce qu'on entend comme ça par criminalité, mais bon, c'est un peu flou, quoi. Et puis, bah, voilà, on se contente de ça, parce qu'on va pas, à chaque fois qu'on fait un article sur la criminalité, commencer par une introduction sur comment ça a été mesuré, ce que ça représente et comment ça peut varier, parce que, voilà. Le problème, par exemple, pour ces histoires de criminalité, c'est que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde combien il y a eu de plaintes à la police. Et donc, ça peut varier parce que la criminalité varie, mais ça peut aussi varier parce que les gens ont plus ou moins peur qu'avant d'aller porter plainte. Voilà, des choses comme ça. Ou bien simplement parce qu'il y a un commissariat pas loin ou qu'il n'y en a pas. Ouais. Et puis, bah, on peut imaginer que s'il y a des bandes organisées qui menacent de venir se venger si vous allez à la police, ça va faire baisser la criminalité, quoi, parce que la plupart des gens n'oseront plus aller porter plainte. Ou s'ils sont maltraités au commissariat quand ils essayent d'aller porter plainte, pareil. Voilà, d'ailleurs, ça c'est une explication aussi des variations pour des choses plus spécifiques comme le nombre de viols enregistrés, parce qu'à une époque, en gros, une fille violée, c'était de sa faute, et donc elle n'allait pas se plaindre, hein. Parce que si c'est pour qu'on se foute de sa gueule en plus, c'est pas la peine. Et puis, quand ça a enfin été reconnu et qu'une fille violée, c'est devenu vraiment une victime, bah, ça a pu faire exploser le nombre de viols enregistrés, mais c'est pas une augmentation du nombre de viols tout court. C'est l'augmentation de déclaration de viols. Voilà. Ouais. Et c'est souvent là-dessus. Alors, c'est toujours comme ça, les indices, c'est toujours un peu différent de ce que c'est censé mesurer. Et ça, c'est pas propre à ce qui est utilisé en statistique. C'est comme ça dans toutes les sciences. Et puis, alors, l'autre gros problème avec les statistiques telles qu'elles sont rapportées dans les journaux, c'est que pour les statisticiens, je parlais tout à l'heure pour les estimations, par exemple, de marge d'erreur. Et ça, c'est pas rapporté, en général. Et alors, j'avais pris un exemple... Pareil, bah ça date sans doute un petit peu maintenant, mais c'était parce que c'était pour mon bouquin. Mais j'avais regardé les résultats d'un sondage qui a été publié dans une revue où on disait qu'il emportait au deuxième tour. Donc au deuxième tour des élections, il n'y a que deux candidats. Donc celui qui l'emporte, c'est celui qui a plus de 50%. Voilà. Et on disait, d'après un sondage machin, je ne sais plus qui, tel candidat aurait 51% des voix. Voilà, donc en lisant ça, on se disait, bon, bah, d'après le sondage, c'est machine qui doit gagner. Et puis après, tout le monde s'est déchaîné dans la presse en disant les sondages, c'est n'importe quoi. Mais sauf que quand on regardait la marge d'erreur, finalement, elle était supérieure à 1%, ce qui fait qu'en fait, le 51% annoncé dans le journal, ça correspondait à un truc du genre un intervalle entre 49 et 53%. Et donc la conclusion du statisticien, c'est à partir des données qu'on a, on ne peut pas dire qui va gagner, parce qu'on peut seulement dire que l'un des candidats aura entre 49 et 53, donc sera soit en dessous, soit au-dessus de 50, on ne sait pas. Ouais. Mais alors évidemment, on ne peut pas publier un article pour dire on ne sait pas. Donc, ouais, c'est, donc c'est soit on ne dit rien, soit on donne juste le résultat brut, et c'est ce qui se fait habituellement. Et je pense qu'effectivement, ça fait du tort, ça... Ça fait du tort aux statistiques, entre autres, parce que ça laisse penser... Il y a évidemment du flou dans les statistiques, ça, c'est certain, mais ça laisse penser aux gens que c'est encore plus flou que ce que ça n'est, parce que régulièrement, ils ont des sondages qui sont finalement faux. On s'en aperçoit après coup. Sauf que, bien souvent, comme dans ce cas-là, ils n'étaient pas faux. C'est juste que la version du journal n'était pas la bonne, quoi. N'était pas complète. Ouais, c'est vrai que ces marges d'erreur, c'est important, ouais. C'est vrai que moi, quand je lis des résultats d'études ou statistiques du jour, je lis jamais oui avec une marge d'erreur X ou Y. Ça, c'est très rare que je voie ça. En tout cas, en lisant le journal ou dans des revues un peu standards, c'est vrai que c'est faux. Ouais. Ouais, dans toutes les publications grand public, ça n'apparaît simplement jamais. Ouais. Et en plus, il n'y a pas que la marge d'erreur, parce qu'il y a... Il y a une double incertitude, si on veut, avec les estimations. C'est qu'il y a d'abord la marge d'erreur, et puis ensuite, il y a le risque d'erreur, c'est-à-dire le risque qu'on ne se trouve pas dans l'intervalle considéré. Ah, ouais. Et en général, le risque est fixé à 5%. Ça veut dire une fois sur 20. Donc, ça veut dire que si tous les sondages sont bien faits, on a à chaque fois qu'il y a un sondage une certaine marge d'erreur, donc ce n'est pas 51%, c'est entre 49 et 53, par exemple. Mais en plus de ça, c'est entre 49 et 53, avec 19 chances sur 20. Donc c'est normal qu'une fois sur 20, on ne tombe pas dans l'intervalle. Ouais, ce qui est relativement important, encore 5%. Enfin, on peut en tenir compte. C'est une valeur plausible, on va dire, qui peut se réaliser. Oui, ouais, le 5%, je crois qu'il a été choisi... pour qu'on puisse quand même énoncer des résultats, parce qu'en sciences humaines, évidemment, plus on veut réduire le risque, on peut toujours réduire le risque, hein, on choisit, mais si on réduit le risque, on augmente la marge d'erreur. C'est-à-dire que si on veut un risque de 1%, bah, au lieu d'être 49-53, l'intervalle, ce sera 40-60, et puis du coup, ça devient... Donc ce 5%, c'est un peu une sorte de convention qui est utilisée généralement comme risque, comme valeur de risque, ou bien ? Oui, c'est le risque habituellement utilisé, c'est vraiment une convention. Ouais. D'accord. La première publication de je ne sais plus qui, parce que ça m'est sorti de la tête aussi, du père fondateur, si on veut, des statistiques inférentielles, disait qu'il faudrait prendre comme risque 1 sur 10 000, ce qui ferait 0,01%, si je ne m'abuse, je ne me trompe pas dans les zéros. Donc on est très très loin, on a beaucoup beaucoup assoupli... ces préconisations, ouais. Parce que si on gardait ça, en fait, on ne trouverait jamais rien. Oui. Il faudra des échantillons énormes. Ouais, ouais. Voilà. Donc c'est vraiment une convention. Ouais. D'accord. Ok, donc en résumé, si on veut s'attendre à ce qu'un chiffre publié dans la presse qui parle de statistiques quelles qu'elles soient, soit fiable, il faut qu'on recherche également la marge d'erreur et le risque d'erreur à côté de ce chiffre. Sinon, on ne peut pas s'y fier. C'est ça ? Ouais. D'accord. Ouais, ouais. Donc, en gros, on peut rarement se fier aux indications statistiques véhiculées par la presse grand public. Ben, ouais. Je te laisse responsable tes paroles. je veux pas lancer le débat là-dessus. Mais en tout cas, ouais, on va tenir compte de ça. La marge d'erreur et le risque sur cette marge d'erreur. Ouais. Alors peut-être, ouais, on va continuer un petit peu, peut-être un peu dans la même idée. Donc je voulais revenir sur un épisode que tu avais fait justement dans Scepticisme Scientifique qui s'appelle, l'épisode s'appelait Feeling the Future. Et là, tu expliquais deux notions bon, qui sont assez complémentaires et que j'ai trouvé intéressantes. Et alors la première, c'est la différence qu'il y a entre statistiques exploratoires et statistiques confirmatoires. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre ces deux types de statistiques ? Ah, oui. Simplement. Alors, je crois que, alors, pour bien comprendre, il faudrait que je dise un mot sur les tests statistiques, parce que là, on a parlé d'estimation. Alors, c'est un peu lié, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Mm-hmm. Alors j'explique un peu. Je reprends peut-être l'idée de l'article dont on discutait dans l'épisode du podcast. Donc c'est Daryl Bem, un psychologue, mais qui est aussi versé pas mal dans la parapsychologie, qui prétend avoir démontré qu'on pouvait savoir ce qu'allait se passer dans le futur, voilà. Précognition ça s'appelle, voilà. Avec une série d'expériences et de traitements statistiques. Alors pour faire simple, en général, ces expériences, ça consiste à demander, là je simplifie un peu mais ça n'a aucune importance, à demander aux gens de deviner où une image va apparaître, si c'est à gauche ou à droite. Alors ça paraît assez évident que si les gens arrivent à savoir ce qui va se passer, ils vont réussir plus d'une fois sur deux, et puis sinon ils vont réussir une fois sur deux. Voilà. Mmh, ouais. Alors un test statistique, c'est quelque chose qui oppose deux hypothèses. J'essaye de ne pas être trop technique, mais en général, il y a ce qu'on appelle l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle, ce serait en l'occurrence l'hypothèse qu'il n'y a pas de précognition, et donc que les gens, normalement, vont réussir une fois sur deux. Mmh. Et l'hypothèse alternative, qui dit le contraire, donc qui dit que les gens vont pouvoir réussir plus qu'une fois sur deux, ou bien, normalement, ça pourrait être aussi moins d'une fois sur deux, mais enfin, on va dire plus d'une fois sur deux. Voilà. Et alors, ça fonctionne comme ça. On fait l'expérience, donc par exemple, on fait une centaine d'essais, et puis mettons, pour illustrer un peu, que quelqu'un ait trouvé 55 fois la bonne réponse, donc plus d'une fois sur deux. Est-ce que pour autant on peut conclure? C'est pas si évident que ça, parce qu'il pourrait avoir trouvé par hasard, peut-être, sans avoir aucun don de précognition, 55 fois la bonne réponse. Alors là, on fait des calculs, c'est pas très compliqué en fait, mais on fait des calculs de probabilité pour savoir, en supposant l'hypothèse nulle vraie, c'est en supposant qu'il n'y a pas de précognition, quelle est la probabilité de tomber par hasard 55 fois sur la bonne réponse? Et c'est cette probabilité-là qui va nous intéresser, parce que si elle est très faible, ça veut dire inférieure à 5%, parce qu'on a fixé le risque à 5%, c'est toujours le même risque que tout à l'heure. Ouais. Si c'est très faible, donc on va dire que c'est très faible, moins de 5%, eh ben, on fera le raisonnement plus ou moins suivant, on dira, si l'hypothèse nulle était vraie, ce que je viens d'observer, ce serait pas crédible parce que c'est quelque chose qui arrive quasiment jamais avec l'hypothèse nulle. Ça veut dire que l'hypothèse nulle doit être fausse sûrement, et donc c'est l'hypothèse alternative qui est vraie, donc il y a de la précognition. Voilà, ça c'est le principe du test. Sauf qu'on comprend très bien avec ce principe que si l'hypothèse nulle est vraie, donc s'il n'y a pas de précognition, eh ben, ce qui va se passer, c'est qu'une fois sur 20, on va trouver quand même plus de, si c'est 55, plus de 55 bonnes réponses, puisque ça arrive une fois sur 20. Dû au risque sur la marge d'erreur. Voilà. Ouais. Donc une fois sur 20, on va se planter si l'hypothèse nulle est vraie. Mm-hmm. Voilà. Alors maintenant, je peux y venir à cette histoire. Ça, c'est un test statistique. Donc un test statistique standard. Si l'hypothèse nulle est vraie, ça rate une fois sur 20. Et mm-hmm. donc ça conduit à conclure, alors que c'est faux, qu'en l'occurrence, qu'il y a de la précognition. Alors la différence entre les études exploratoires et confirmatoires, c'est la suivante. Quand vous faites une étude exploratoire, c'est-à-dire vous ne savez pas exactement s'il y a de la précognition, où est-ce que ça va se situer. Alors peut-être que les gens vont y arriver, mais à condition qu'on leur mette un bandeau sur les yeux, ou alors qu'il y ait de la musique douce, ou je ne sais pas quoi. Non, on peut essayer avec plein de conditions différentes, mais vous ne savez pas a priori quelle est la bonne condition. Donc vous allez essayer plein de conditions, par exemple une centaine, on va dire, avec musique, sans musique, dans le noir, avec une lumière rouge, etc. Mm-hmm. En vous disant, comme ça, on saura dans quelles conditions il y a de la précognition. Mais si vous faites les 100 expériences et que vous testez 100 fois avec le test qui rate une fois sur 20, évidemment, dans le tas, il y en a quelques-uns qui vont réussir faussement et qui vont vous conduire à prétendre qu'il y a de la précognition, mais simplement, c'est le hasard qui fait ça. Ouais. Voilà, ça, je crois que c'est assez facile à comprendre. Mmh. Et donc, on ne peut pas utiliser un test pour conclure qu'il y a de la précognition dans une analyse exploratoire comme celle-ci, où on ne sait pas à l'avance exactement ce qu'on cherche. Alors en général, ça se passe en deux temps. C'est-à-dire on fait d'abord une analyse exploratoire, on fait plein d'expériences, et puis on s'aperçoit que le meilleur taux, par exemple, est obtenu avec une lumière rouge et puis de la musique. Alors on se dit, bon, bah, si ça marche probablement mieux quand il y a de la lumière rouge et de la musique. Voilà, mais on ne conclut rien du tout, on ne sait pas. On dit juste si ça marche. A priori, peut-être que ça marche mieux dans cette situation. Et ensuite, quelqu'un d'autre, ou la même personne, mais avec d'autres sujets, refait l'expérience, mais là c'est autre chose, c'est une analyse confirmatoire pour confirmer qu'effectivement dans cette situation ça marche. Mais dans ce cas, pour que ce soit concluant évidemment, il faut faire une seule expérience, donc on fait l'expérience une fois, dans les conditions qui ont été définies par l'analyse exploratoire, et on fait un test. Et on regarde si le test fonctionne ou pas. Mmh. Voilà. Et là, c'est bon, parce que c'est bon avec toujours le même risque d'erreur, bien sûr. Donc, en général, il ne faut pas tirer de conclusion à la suite de statistiques exploratoires. Il faut toujours une étude de statistiques confirmatoires pour pouvoir tirer des conclusions d'un test, finalement. Voilà, ouais. C'est ça. Mais, et ça vient simplement de l'idée que comme le test rate une fois sur 20, il faut en faire un seul. Ouais. Voilà. Alors, je prends toujours l'image du dé parce que c'est... Enfin, quand je peux, avec les étudiants, je viens vraiment avec un... J'avais fait avec un jeu de cartes, parce que je ne suis pas assez magicien pour arriver à faire sortir des 6 comme je veux, mais j'avais fait ça avec un jeu de cartes. Mais c'est pareil avec un dé. Si vous avez un dé, voilà, on vous dit il y a une chance sur deux, a priori, on ne sait pas, pour qu'il soit truqué. Mais on ne sait pas. Et on va le tester. Mmh. Et voilà ce que je peux faire. Je peux le lancer deux fois, et puis je vais dire avant, si je tombe deux fois sur 6, je dirais qu'il est truqué. Bon, mmh. Et puis effectivement, si on se met dans la situation, vous prenez le dé, vous le lancez deux fois, ça fait 6-6. Vous êtes relativement convaincu que ça doit être un dé truqué, si on a des raisons a priori de penser qu'il peut être truqué, peut-être. Bon. Voilà, c'est assez convaincant, ça. Ouais. Voilà. Par contre, si on le lance une centaine de fois et que au bout de 100 fois, on a 2-6 de suite, évidemment, là, c'est pas du tout convaincant. Mmh. Alors, ce que ça illustre, ça, c'est que une idée peut pas être testée comme ça 50 fois. Plus on teste, moins c'est convaincant. Sauf si on impose que tous les tests fonctionnent, bien sûr. Et c'est ça que je critique. Alors, parler d'analyse exploratoire ou confirmatoire, c'est une manière de dire la même chose, une autre manière de dire la même chose. Mais moi, je le dirais plus spontanément comme ça. Je dirais que quand on a une hypothèse, on a le droit de la tester une fois. On fait une expérience, un test. Voilà. Parce que s'il y a plusieurs tests, ce qu'il faut faire, c'est corriger la marge d'erreur, c'est ça ? Voilà, ce que j'expliquais après, je sais pas si j'en parlais dans le podcast, en tout cas. Oui, un peu, oui. Ouais. Donc, je disais, il y a quand même des techniques, parce que quand on veut tester plusieurs fois, c'est ce qu'a fait BEM, hein, parce que lui, il a fait, je crois, 9 expériences, mais pour chacune de ces expériences, il fait plein de tests, en fait. Il traite les données de plein de manières différentes, il sépare en groupes différents, enfin, au total, il a fait quasiment une centaine de tests. Voilà. Donc, ça veut dire, pour moi, je dis, il a testé 100 fois dans son article, la même hypothèse qu'il y a de la précognition. Mmh. Et donc, c'est normal qu'une partie de ces 100 tests disent qu'il y en a, puisque comme ça rate une fois sur 20, voilà, sur 100 fois, il devrait y en avoir 5 qui fonctionnent, quoi, en moyenne. Voilà, mais donc je dis normalement, on ne doit pas faire ça. Si on veut tester sa précognition, on fait une expérience, un test. Si on est obligé, pour une raison ou une autre, de faire plusieurs tests, mettons que ça peut se produire, dans ce cas, il faut corriger pour le nombre de tests, c'est-à-dire que si par exemple je dois faire mon test deux fois, une correction très simple, c'est un peu approximatif et grossier, mais enfin en gros il faut diviser le risque par deux, c'est-à-dire que si je fais deux tests pour tester la précognition, au lieu de faire chacun des tests au risque de 5%, comme a fait BEM et comme on fait d'habitude, il faudrait imposer à chacun des deux tests un risque de 2,5% pour que globalement la conclusion de l'article soit vraie au risque de 5%. D'accord. Voilà, et si on corrige pour le nombre de tests dans l'article de BEM, il n'y a plus rien de concluant. Ouais. Et voilà. Mais tout ça, ça revient donc à ces histoires d'exploratoire ou confirmatoire. Mais... Oui, c'est clair. C'est clair, ouais. Une autre chose, tu as aussi fait une autre émission sur l'effet Barnum. Et je voulais peut-être aussi revenir là-dessus. Alors... Dans cette émission, tu avais parlé en gros de trois phénomènes. Il y avait l'effet Barnum, qui consiste, peut-être tu nous l'expliqueras un peu plus en détail, mais dans le renforcement de croyances liées à sa personnalité. Tu avais aussi parlé de la pensée positive définie par Jean Piaget, donc un fameux pédagogue, et lui dit que la pensée positive, c'est que finalement on a tendance à chercher des confirmations et non des informations sur la pertinence d'une description personnelle. Et tu as parlé d'un troisième phénomène qu'on appelle des corrélations illusoires, qui est la tendance que l'on a à voir des corrélations là où il n'y en a pas. Mais pour cela, il faut qu'il y ait une croyance initiale. Donc, bon, pour commencer, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu mieux que moi ces effets ? Et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir jusqu'à quel point un effet, je ne sais pas si on appelle ça psychologique ou cognitif, peut induire un biais sur des tests de personnalité, par exemple. Ah, ça induit pas un biais. Alors pour l'effet Barnum, c'est pas un problème statistique. C'est un problème psychologique, mais pas statistique. Donc c'est pas un biais lié aux statistiques, c'est un biais humain D'accord, ouais. lié à la perception. Voilà. Et donc simplement, j'en parle très brièvement parce que c'est pas en rapport direct avec les stats. L'effet Barnum, c'est simplement le fait que quand on vous lit une description complètement floue de votre personnalité qui s'appliquerait à tout le monde, on a tendance à s'y reconnaître. Bon, ça, c'est normal puisque ça s'applique à tout le monde, mais surtout, on a tendance, et c'est ça qui est bizarre, et c'est ça l'effet Barnum, on a tendance à trouver que ça nous décrit drôlement bien et que c'est étonnant à quel point ça nous décrit bien. Voilà. Et alors, c'est ça qui explique le succès de méthodes comme l'astrologie ou la graphologie quand c'est utilisé pour décrire la personnalité. Et c'est à partir de la graphologie que Forer, c'est le premier psychologue qui a mis ça en évidence, a montré qu'en fait ça fonctionnait pas. Puis alors, il y a eu plein de réplications, d'expériences où on fait croire aux gens qu'on a trouvé par une méthode, peu importe laquelle, hein, j'ai graphologie, astrologie, n'importe quoi d'autre, qu'on a réussi à trouver une description de leur personnalité qui leur est propre. Et en réalité, on donne la même description à tout le monde. C'est ça l'expérience la plus classique. Et on demande aux gens si ça les convainc que la méthode utilisée est fiable, et en général, les gens sont vachement épatés. Voilà. Ça, donc c'est l'effet Barnum, ça, c'est pas un biais statistique. Non, mais ce que je veux dire, d'accord, c'est pas un biais statistique, mais est-ce que ça peut avoir un biais quand on demande à quelqu'un de faire un test de personnalité? Est-ce qu'il aura tendance à répondre différemment à ce qu'il est réellement dû à cet effet Barnum, finalement? Non, là, c'est plus les mêmes, c'est plus les mêmes effets là qui sont. Là, il y a un problème de sondage après aussi, et quand on doit remplir un questionnaire de personnalité, mais c'est une autre problématique. Tu peux peut-être en dire deux mots? Alors, oui, là, il y a tout un ensemble de problèmes que je connais un peu moins bien d'ailleurs que les biais statistiques concernant les sondages et les questions, mais il y a des biais qui sont. Donc c'est pas statistique encore une fois, hein, mais Ouais. des biais dans les réponses que donnent les gens, qui sont bien connus des sondeurs. Et pour donner un exemple ou deux, il y a quelque chose d'assez discuté, c'est le biais d'acquiescement. C'est assez marrant, c'est que c'est une tendance à dire oui. Apparemment, les gens ont tendance à dire oui. Alors par exemple, en psychologie de la santé, ça se traduit par l'effet suivant. Si vous posez la même question à l'endroit et à l'envers, ça donne des résultats contradictoires. Si vous demandez aux gens, est-ce que vous pensez bien à prendre régulièrement vos médicaments, ils vous répondent oui, par exemple. J'exagère un peu le trait, hein, mais à 60%. Et puis, si vous leur demandez, est-ce qu'il vous arrive d'oublier vos médicaments, ils vous répondent aussi oui à 60%. Donc, ça veut dire qu'il y en a 20% qui disent des trucs contradictoires. Donc Voilà, c'est. ça tient en compte de la formulation de la question, en fait. Il faut faire attention pour lorsqu'on formule la question pour pas avoir ce biais, en fait. Voilà, quand on fait des expériences avec des questionnaires en psychologie, qu'on les fait sérieusement, par exemple, si ça doit faire un test qui va être validé ensuite, en général, chaque question est posée deux fois, une fois à l'endroit, une fois à l'envers, pour annuler l'effet de D'accord. le biais d'acquiescement. Mais il y a plein d'autres biais qui interviennent, notamment, alors si c'est en face à face, l'allure de la personne qui pose la question est très importante. Il y a aussi des différences éventuelles, ça on en a parlé récemment, entre ce que les gens répondent quand c'est une version téléphonique, une version internet et une version papier du même questionnaire. L'ordre des questions joue évidemment. Et puis la formulation, bon ça c'est. Donc ça, on appellerait ça des biais cognitifs ou comment? Oui, Ouais. c'est des biais cognitifs, ouais, là c'est. D'accord. Et les sondeurs connaissent ça, mais par contre, dans la plupart des sondages qui sont faits pour des revues grand public, on ne fait pas du tout attention à ça. Ou alors, si on fait attention, c'est pour, c'est pour obtenir le résultat qu'on avait décidé Ouais. d'obtenir au départ. Professeur Fun, tu voulais ajouter quelque chose? Non, pas sur cette question-là, mais ta question suivante m'intéresse beaucoup. Ouais, bon, on s'écarte un petit peu des statistiques parce qu'on va rentrer dans un domaine un peu plus général. Alors, ne sois pas surpris, Nicolas, mais bon, je pense qu'à quelque part, les statistiques ont aussi un petit rôle à jouer là-dedans. Mais en fait, J'ai écouté récemment une émission de La Tête au Carré, donc aussi un podcast scientifique, je ne sais plus quelle radio, France Inter, c'est France Inter. ça? Ouais, j'ai dit juste cette fois, je me trompe toujours. Et dans ce podcast, on nous dit que d'une manière générale, on a l'habitude de trouver des conflits d'intérêts dans les agences d'expertise qui biaisent les résultats des études. Alors évidemment, c'est des études dans lesquelles interviennent toutes sortes de choses, entre autres, j'imagine, un peu de statistiques aussi. Mais le sujet, il n'est pas tant sur les statistiques, là, c'est plutôt sur les conflits d'intérêts. Par exemple, on constate, enfin, dans cette émission, on nous dit que si on prend les études effectuées pour analyser la balance bénéfice-risque appliquée en moyenne à l'ensemble des médicaments qu'on trouve sur le marché, on constate que 50% des études financées totalement par l'industrie pharmaceutique démontrent une balance bénéfice-risque favorable des médicaments. Après, on constate que 30% des études dont le financement est partiellement privé et public démontrent une balance bénéfice-risque favorable des médicaments. Et que seulement 15% des études financées par d'autres sources totalement indépendantes de l'industrie pharmaceutique démontrent un bénéfice-risque favorable. Donc on voit que si une étude est financée par l'industrie privée, il y a finalement, elle démontre qu'il y a moins de risques vis-à-vis des médicaments. Par contre, si c'est fait d'une manière indépendante, il y aurait plus de risques. Donc ça nous montre que la source de financement induit un biais majeur dans le résultat des études cliniques réalisées. Et ce phénomène de biais se retrouve dans de nombreux autres domaines aussi analysés, pas seulement le pharmaceutique. On retrouve ça dans les produits alimentaires, dans un certain nombre de compléments alimentaires comme l'aspartame, l'OGM, le tabac, l'amiante. Bon, le tabac, on avait parlé déjà, professeur, dans une autre émission. L'amiante, les ondes électromagnétiques, les substances. On constate, j'espère que ces chiffres ont été bien faits, Nicolas, mais on nous dit que 80% des études, j'ai pas les marges d'erreur là, mais 80% des études indépendantes démontrent un effet nocif du bisphénol A sur la santé. Et 0% des études présentant un conflit d'intérêts présentent une nocivité du bisphénol A sur la santé. Donc, on constate que la méthodologie employée n'est pas la même selon la source de financement et induit un certain nombre de biais. Donc, on retrouve justement des biais dans l'élaboration du protocole, des biais de sélection, des biais sur la durée de l'étude, des biais sur l'analyse des données, des biais sur des hypothèses qui peuvent être variables, des biais aussi dus à des données manquantes, des biais de publication, toutes sortes de choses. Donc, les agences d'expertise analysent le résultat finalement sans prendre en compte la source de financement d'études. Donc moi je me pose la question, comment résoudre ce problème? On nous dit d'une part dans cette émission que, alors ça je ne savais pas, mais les revues commencent à demander de plus en plus, donc les revues de publication commencent à demander de plus en plus aux chercheurs de déclarer des éventuels conflits d'intérêts lors de leur publication. Mais ce n'est pas encore une pratique obligatoire, mais bon, je trouve ça c'est déjà une bonne chose. Mais est-ce que les agences d'expertise ne devraient-elles pas analyser différemment les études provenant de financement public et celles provenant du financement privé? Est-ce qu'il ne faudrait pas pondérer les études en fonction des conflits d'intérêts potentiels? Et puis, finalement, est-ce que ça ferait du sens d'introduire des normes plus rigoureuses ou d'essayer de définir une sorte de label de qualité sur des résultats d'études afin de certifier la méthode employée? Donc voilà, beaucoup de questions. Je sais pas vis-à-vis de ça, toi, est-ce que tu as déjà été confronté à des conflits d'intérêts? Qu'est-ce que tu en penses, de ces biais qui sont induits? Non, moi personnellement, j'ai jamais eu le problème parce que la psychologie, encore que ça peut arriver en psychologie pour ceux qui travaillent sur tout ce qui est marketing, communication, il y en a pas mal. Mais alors, moi, les domaines qui m'intéressent, c'est la modélisation de la mémoire de travail, les compétences mathématiques chez les enfants, c'est pas sujet tellement au conflit d'intérêts. Pas encore. Et pas encore, en tout cas. En général, c'est plutôt en pharmacie que c'est le pire parce qu'ils ont, Y a un lobby. ils sont très très puissants, donc ils arrivent. J'avais lu un bouquin là-dessus où ils expliquaient, il y avait des témoignages, en tout cas, de gens qui disaient que ce qui se passe souvent, c'est que quand une industrie pharmaceutique veut tester un médicament, elle passe des contrats avec des universités pour ça. Et dans le contrat, c'est indiqué qu'il est interdit de publier sans avoir l'accord de l'entreprise. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent les gens bosser, mais si le résultat n'est pas bénéfique, eh ben, ils interdisent la publication. Ouais. Et ils ont le droit par contrat. Donc ça peut jouer. Mais alors sinon, je voudrais quand même un peu... moi, j'ai un gros problème avec le conflit d'intérêts. Je commence par préciser ça, parce que je connais plein de gens, en fait, qui trouvent que ce n'est pas gênant, que ça ne les dérange pas que l'industrie finance la recherche. Moi, je trouve ça vraiment très, très problématique. Je dis, c'est... Même s'il n'y avait pas de problème réel, ne serait-ce que pour la crédibilité, je trouve ça catastrophique. Donc, je suis absolument contre. Et alors, notamment quand c'est une entreprise qui fabrique un médicament, qui peut gagner des milliards avec et qui finance les recherches qui doivent prouver que le médicament n'est pas dangereux, je trouve ça scandaleux. Mmh. Moi, je trouve, et donc, comme on me demande, oui, mais alors si tu critiques, il faut que tu aies une solution, eh ben, j'en ai une. Voilà, donc je donne une solution qui n'est certainement pas parfaite, mais en tout cas qui réduirait un peu le principe. C'est qu'au lieu de dire, comme on fait maintenant, si vous voulez vendre votre médicament chez nous, il faut d'abord que vous prouviez qu'il n'est pas dangereux en faisant des études. On dirait, si vous voulez vendre votre médicament, on va faire des études dessus pour voir s'il n'est pas dangereux. Et comme ça nous coûte de l'argent, vous allez nous donner un impôt qui servira, ça va dans la caisse, etc., bon, au ministère de la Recherche, mais entre autres, ça sert à faire ces recherches-là. Voilà, déconnecter un peu. Ouais, parce que le problème, c'est dans le public, c'est le financement. On n'a pas forcément l'argent pour faire ces études. Donc toi, tu proposerais d'un impôt. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Ouais. Voilà, donc ce serait toujours l'industrie qui finance, mais ce serait indirect. Ouais. Et donc, il n'y aurait pas de conflit d'intérêts aussi direct que maintenant. Voilà, mais alors, je veux quand même maintenant dire deux petites choses qui vont en sens inverse de ça. D'abord, souvent, ce qui est appelé indépendant, ce n'est pas indépendant. C'est-à-dire, c'est indépendant de l'industrie, mais c'est dépendant d'autres groupes de pression, parce que même s'ils sont moins puissants, il y a aussi des groupes de pression de l'autre côté. Donc, des gens qui par exemple, des associations, des ONG, trop-sensibles, Greenpeace, ou des, comme voilà, ça, c'est aussi, ouais. C'est aussi des groupes de pression, tout à fait. Donc, ils ne sont pas non plus indépendants. Ils sont influencés dans autre chose. Et puis, le deuxième truc, c'est que... Peut-être juste une précision. Dans ce podcast, la personne qui parlait de ça avait justement précisé que quand lui parlait de financement privé, ça pouvait aussi venir d'une organisation... type Greenpeace ou ONG, et donc ça rentrait dans la même analyse que si c'était une société privée pharmaceutique. Donc lui, il n'avait pas fait la distinction ONG, il faisait ONG ou société privée, c'était un financement privé, ça pouvait venir d'une ONG aussi. Oui, mais ah oui, c'est parce qu'il parle des financements seulement, mais il peut y avoir des conflits d'intérêts, enfin bon, disons, je classerais ça dans conflit d'intérêts sans qu'il y ait de financement, simplement... Si quelqu'un trouve que les OMG c'est super dangereux et qu'il fait partie d'une association contre les OMG, moi j'ai un doute à peu près égal à la situation inverse où c'est quelqu'un d'une entreprise qui fabrique des OMG qui me dit que c'est super. Mmh. Ouais, tout à fait. Et puis alors, l'autre chose, c'est que souvent quand j'ai regardé un petit peu pour des cas particuliers, parce que c'est pas du tout mon domaine sinon, hein. mais quand je cherche un petit peu sur des cas particuliers, donc j'avais regardé pour les OGM, j'ai regardé pour l'aspartame et le bisphénol, c'était un peu différent d'ailleurs. Mais ce qui m'a frappé, en fait, j'en souviens pour les OGM, c'est que les conclusions sont pas si différentes que ça entre ceux qui disent que c'est dangereux et ceux qui disent que c'est pas dangereux, parce que quand ils sont sérieux, en fait, ils ont à peu près les mêmes résultats. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui dit « mes résultats montrent pas de danger, donc c'est bon », et l'autre dit « mes résultats montrent pas de danger, mais on sait jamais », en gros. Mm-hmm. Parce qu'il y a toujours un danger potentiel. Alors sur le bisphénol A, par exemple, moi, j'ai trouvé aucune étude qui conclut que c'est dangereux. Il y a des études qui terminent, mais c'est une histoire d'interprétation plutôt qu'autre chose, en disant « dans le bisphénol, il y a un machin qui peut interagir avec les hormones, et donc il est possible qu'à haute dose, ça devienne dangereux. » Mais j'ai pas vu d'études qui disent si on prend dans les doses habituelles, même en comptant large, il y a un risque démontré pour la santé. Elle trouve pas de risque, elle dit simplement il y a un mécanisme qui pourrait être dangereux. Mmh. Ouais, mais c'est justement là que se trouve toute la confusion finalement d'une étude, parce qu'on nous dit oui, il y a un risque potentiel. Alors nous, on l'interprète en tant que lecteur, il y a un risque, mais finalement c'est un risque potentiel. Et qui n'est pas avéré, en fait. Voilà, c'est plus dans l'interprétation. Ouais. Voilà. Et alors, si je prends l'exemple de l'aspartame, là, j'ai justement vu un truc, c'est très récemment. Là, c'est tiré d'une émission qui disait que l'aspartame c'était une catastrophe. Et alors, pour prouver que l'aspartame c'était dangereux, si tu pouvais peut-être juste bouger un peu moins ton micro. Ouais, je suis désolé. Il n'est pas très solide, en fait. Donc, la réalisatrice du documentaire disait l'aspartame c'est dangereux, et la preuve, c'est alors qu'il y a un homme politique américain, ou je ne sais pas quoi, qui buvait beaucoup de Coca-Cola. Et puis, il s'est mis à avoir des tremblements, il se sentait mal, il y avait des nausées, etc. Puis, il est parti dans un pays où il n'a pas pu prendre de coca, il se sentait beaucoup mieux. Et puis, il est revenu aux États-Unis, il a repris du coca comme avant, et puis il a re-eu des tremblements, etc. Et un célèbre neurologue qui l'a étudié a dit « c'est à cause de l'aspartame qui se trouve dans le coca voilà. ». Mmh. Alors, ça... de coca par jour. Excuse-moi, on a eu une petite coupure. Tu peux juste répéter ce que tu as dit ? Donc, je disais, ça a l'air très sérieux, sauf qu'on nous dit dans l'émission, hein, c'est précisé, que ce type buvait 4 litres de coca par jour. Ah ouais, bon. Et donc, je veux bien croire qu'à ces doses-là, l'aspartame, c'est dangereux. Mais alors là, c'est toute une histoire d'interprétation, parce que tiré de ça, l'aspartame, c'est dangereux. Alors moi, je peux dire, parce que j'ai fait une intoxication au café, que le café, c'est dangereux. Ouais. Voilà, c'était il y a longtemps, j'avais bu presque 3 litres de café et j'ai eu des nausées, des sueurs froides, enfin j'étais très très mal. On peut aussi s'intoxiquer au café. Mais est-ce que tu penses finalement, d'une manière générale, si, introduire une sorte de label de qualité pour des études qui sont effectuées, qui démontreraient qu'elles ont été effectuées avec une méthodologie rigoureuse et qu'elles ont suivi un certain protocole établi, ça pourrait être aussi une solution pour essayer de remettre un peu de l'ordre dans toutes ces études qui sortent, on ne sait pas très bien à quoi s'en tenir. C'est ce qui se fait dans les méta-analyses en général. Ouais. Quand il y a des méta-analyses, donc des articles qui reprennent tous les articles sur un sujet pour faire des statistiques sur les résultats ou sur les expériences, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent tout ce qui a été publié, par exemple, depuis 20 ans, et ils regardent dans le détail comment a été fait l'expérience, et ils sélectionnent avec des critères de qualité, justement. Mmh. D'accord. Ce qui fait que dans la méta-analyse, on ne fait pas tout rentrer, parce qu'il y a des trucs sans valeur, comme des études de cas, par exemple. Une étude de cas, ça n'a pas la même valeur qu'une expérience. Ouais. Et donc, une méta-analyse, c'est utilisé pour faire une sorte de recompilation d'un certain nombre d'expériences qui ont été faites sur un certain nombre d'années. Et c'est dans ce, voilà, cadre, c'est dans ce cadre-là, d'accord. Ouais. Ouais. Ok, professeur Fon, une petite question. Ouais, d'ordre un petit peu plus général, peut-être de nouveau sur les statistiques. En fait, moi, j'avais suivi des cours de statistique en faculté de sciences sociales et politiques à Lausanne. C'est la faculté qui abrite également la psycho. Et puis, ce cours était perçu à l'unanimité comme rébarbatif et inutile. C'était vraiment le passage obligé. C'était le jeudi après-midi, il fallait s'emmerder à aller suivre les cours de stats. Bien, à la réflexion, les enjeux des statistiques, pour la recherche notamment, n'avaient jamais été exposés clairement. Et je pense qu'ils avaient simplement pas, enfin, qu'ils n'étaient pas compris par les étudiants. Et je me demandais si, ouais, selon toi, il s'agit, enfin, cette incompréhension de l'importance des statistiques constitue un cas isolé, ou bien est-ce que c'est une problématique réelle et récurrente dans les différents domaines des sciences humaines ? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier ? Alors, ben, je vais parler de la psycho, parce que c'est ce que je connais. J'ai enseigné les stats, justement, en psycho pendant 8 ans, et les étudiants n'aimaient pas ça du tout, ça c'est clair. Et j'ai énormément progressé en 8 ans, mais à la fin, il y avait quand même une partie des étudiants qui aimaient bien. Mais... Alors voilà, je raconte un peu, je raconte un peu tout ça. J'espère qu'il n'y a pas trop de collègues qui m'écoutent, parce que sinon je suis grillé pour un poste. Mais moi, ce que j'ai observé, voilà ce que j'ai observé. Les gens qui font les cours de statistique en psycho, donc le seul domaine que je connais, en général, c'est des psychologues qui ont été formés par des psychologues, etc. Voilà. Et qui ne comprennent pas les statistiques. Le type qui faisait les stats avant que j'arrive à Metz, c'est une catastrophe. Il ne comprenait absolument pas le principe des statistiques. Il acceptait, par exemple, que ses étudiants sélectionnent des sujets après coup. C'est-à-dire, ils font passer l'expérience, puis ils éliminent ceux qui ne conviennent pas parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient. Bon. Avec ce superbe argument, oui, mais si je les avais choisis par hasard, j'aurais très bien pu tomber sur cela. Et lui, il ne voyait pas où était la faille, donc ça ne lui posait aucun problème. Alors ça, c'est un truc assez récurrent, c'est que les statistiques sont enseignées par des gens qui ne comprennent pas les fondements des stats. Et pour eux, et c'est ce qu'ils transmettent ensuite à leurs élèves, évidemment, parce que c'est ce qu'ils pensent, et ça passe très bien des profs aux élèves, cette idée. L'idée, c'est que les stats, c'est juste un espèce de machin qu'on est obligé de mettre dans les articles pour faire sérieux, donc on est obligé d'apprendre comment on fait, parce qu'on va être obligé de le faire pour publier. Dans certains cas, certains départements, on se dit, non, ça va pas quand même, il faudrait quelqu'un qui comprenne les stats. Alors, ils vont chercher au département de maths un statisticien, mais c'est assez rare, pour faire les cours. Et la plupart aiment pas du tout, et j'ai compris pourquoi ils aimaient pas, quand j'ai vu, toujours à Metz, ce que ça donnait. Parce que ce que ça donne, c'est un prof qui vient et qui fait exactement ce que j'ai fait moi la première année, en fait, en arrivant, parce que je savais pas comment faire, c'est-à-dire qu'il fait un cours de maths. Donc, théorème, démonstration, etc. Alors, aucun rapport avec la choucroute, personne ne comprend à quoi ça sert. Alors, du coup, il y a quasiment que ça comme prof. Vous avez, d'un côté, il y a des profs qui font des cours de maths qui n'expliquent absolument pas le rapport entre ce qui se passe et puis la réalité pour un psychologue, quoi. Enfin, Et puis, de l'autre côté, des gens qui, de toute façon, n'ont pas compris. Donc, ils ne peuvent pas expliquer correctement. Il faudrait que les enseignants en psychologie se spécialisent dans les statistiques, finalement. Ce serait la solution idéale. Voilà, ou l'inverse, ça me paraîtrait mieux. Je pense que c'est plus facile. Un mathématicien se spécialise en psychologie. Ouais. Ouais. Voilà, enfin, en tout cas, pour l'aspect, le côté mathématique, c'est assez amusant. Moi, j'ai eu des cours de statistique à l'école normale supérieure. Et tous les exercices commençaient par la même phrase. C'était soit x1, x2, etc., xn, une suite de variables aléatoires identiquement distribuées. Ah oui. Et on ne m'a jamais dit pourquoi tous les exercices commençaient par ça, et je n'ai jamais rien compris. Et c'est seulement très très longtemps après, quand j'ai pu faire le lien avec ce qui se passe en vrai, que j'ai compris ce que c'était que ces variables aléatoires identiquement distribuées. C'est simplement les valeurs qu'on obtient. Donc, par exemple, si c'est la taille, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, la taille des adultes dans un pays, et bien à chaque fois qu'on choisit un adulte et qu'on le mesure, c'est la réalisation d'une variable aléatoire. Ouais. Et si on reprend un adulte, et bien c'est à nouveau la même variable aléatoire avec une autre réalisation. Et donc, en fait, si tous les exercices de proba commençaient par ça, c'est simplement parce que ça correspond à la situation qui se passe quand on choisit un échantillon. Et en un an de cours, le prof ne nous a jamais expliqué ça. C'est assez hallucinant quand on y pense, mais bon, c'est comme ça. Ouais, donc... Peut-être pour revenir aussi dans le cadre de la faculté de psychologie, peut-être qu'aussi les étudiants qui vont faire la psychologie, ben voilà, ils ont peut-être plus envie d'étudier des comportements humains plus que des chiffres aussi et des statistiques. Donc c'est peut-être aussi que ça peut paraître un peu rébarbatif pour les étudiants parce qu'ils ne sont pas venus pour ça non plus. C'était ce que je voulais dire après que j'avais oublié. Ouais. C'était la suite de ma réponse. C'est ça, oui, aussi. On avait fait un petit questionnaire pour les étudiants en psycho pour savoir pourquoi ils étaient là, ce qu'ils voulaient faire plus tard. Et ce qui était assez frappant, c'est que la plupart étaient là par dépit ou parce qu'elles avaient une copine, c'était quasiment que des filles, ou parce qu'elles avaient une copine qui s'était inscrite en psycho, donc elles se sont dit « je vais faire pareil ». La plupart ne savaient pas trop pourquoi. Mais il y en a pas mal quand même qui venaient ici parce qu'elles se disaient « au moins là, j'aurais pas de maths ». Et donc, il y en a pas mal qui venaient ici avec un vrai blocage ou une haine des mathématiques tenace. Et c'est pour ça que même à la fin, moi, j'avais... Pour dire un peu, parce que je pense que c'est des pistes quand même pour réussir à intéresser une partie des étudiants. Ce que j'avais fait à la fin, donc des mutadés, là je pouvais pas faire plus, hein, c'est que pour les statistiques, je présentais d'abord les choses uniquement à partir d'articles de recherche en psychologie. Des trucs réels. Hein. J'allais chercher les données et on faisait comme dans l'article. Mais surtout pour leur montrer l'intérêt, je leur ai fait faire une expérience. Alors je crois que le dernier exemple dont je me souviens, c'était le suivant. Je leur avais dit, quand on demande aux gens de répondre soit oui, soit non au hasard, ils vont répondre en général oui un peu plus souvent que non. Ça, c'est toujours le biais d'acquiescement si on veut, mais côté aléatoire. Mais on peut peut-être penser que si on est déprimé, on aura plus tendance à dire non, on ne sait pas. Voilà. Et donc je disais ça c'est une hypothèse de psychologie. Si on est déprimé et qu'on essaye de répondre au hasard entre oui et non, peut-être qu'on dira plus non que oui. Et donc je leur disais on va faire l'expérience. Mais c'est eux qui faisaient l'expérience. Donc ils devaient faire passer un test, un mini questionnaire de dépression, et puis demander à des gens de dire oui ou non au hasard. Et après on avait un énorme tableau avec toutes les données, comme il y en avait... Et il y avait 120 étudiants avec chacun deux personnes. Ça, ça faisait 240 lignes. Et puis on regardait, il y avait des oui, des non et des scores de dépression. Et puis je leur disais, voilà, bah, voilà ce qu'on a trouvé dans notre expérience. Et comment on va faire maintenant pour savoir si oui ou non les dépressifs disent plus souvent non ? Eh bien, pour le savoir, on est obligé de faire des statistiques. Et donc, je leur faisais faire des statistiques. Normalement, hein, pour ceux qui étaient suffisamment motivés, en tout cas, ça devait paraître évident là que les statistiques étaient indispensables pour pouvoir répondre à la question psychologique qu'on s'était posée au départ, et donc que c'était intéressant pour la psychologie. Voilà, ça a convaincu une partie, mais pas tout le monde. Alors, j'étais un peu désespéré pour ceux qui n'étaient pas du tout convaincus et qui venaient me voir après ça en me demandant « mais j'ai toujours pas compris à quoi ça sert les stats en psycho ». Et je crois, là quand même si, parce que je me suis un peu creusé la tête pour savoir où était le problème, et je crois qu'il y a, un espèce de hiatus entre deux choses qu'on appelle psychologie. C'est la psychologie comme science, et c'est ce que moi j'appelle, c'est à ça que je pense quand je parle de psychologie, mais il y a aussi la psychologie comme technique, ou donc la psychothérapie, la psychologie clinique. Quoi. Mmh. Et c'est vrai que tout ce que je raconte, alors là par contre je suis obligé de reconnaître que c'est vrai, que connaître les statistiques, ça aide pas pour aider des gens dépressifs, mmh. Ni pour comprendre les autistes. Ça aide à comprendre les articles qui racontent ça, mais... Bon, ça aide à détecter peut-être certaines pathologies, non ? Non, même pas, parce qu'en fait, il y a des chercheurs qui font des questionnaires, qui les testent, qui les valident, et puis ensuite, on fait passer le questionnaire, et puis on sait comment remplir, on calcule un coefficient, puis on regarde dans le manuel, hein, c'est comme ça que ça marche. Mais d'ailleurs, vous utilisez des softwares là, dans le cadre de l'université, pour, avec vos étudiants, ils font beaucoup de statistiques à la main de calcul, ou maintenant c'est beaucoup assisté par ordinateur, et il y a moins de calculs à faire, on a déjà des frameworks de travail et des choses comme ça mais... Ah, alors ça, c'est très bizarre aussi. J'ai jamais vu aucun chercheur en psychologie faire un calcul à la main. C'est complètement débile. Il y a dans toutes les facs, il y a normalement des logiciels pour faire ça. Il y en a même des gratuits qui font très bien. Et donc, moi, j'ai toujours dit, ça sert à rien de connaître même les formules. C'est pas la peine. Il faut connaître le sens de ce que c'est qu'un coefficient de corrélation, etc. Et donc, j'ai jamais demandé, moi, aux étudiants de calculer quoi que ce soit. Mais il y a plein de profs de stats... qui sont très attachés au calcul à la main, je ne sais pas pourquoi, qui sont convaincus que ça permet de mieux comprendre. Moi, je suis convaincu du contraire. On m'a appris, quand j'étais au lycée, à extraire les racines carrées à la main, et je ne crois pas que ça m'ait fait comprendre mieux ce que c'est qu'une racine carrée, franchement. Ouais, c'est vrai. Bah, surtout pour des étudiants en sciences humaines qui sont un peu pas très emballés par les maths, justement, il ne faut peut-être pas trop les pousser à faire ça par écrit et plus par des outils informatiques. Ok, professeur Fon, encore une chose ou bien peut-être une toute T'es dernière question. Ouais, pardon, je m'étais mis en mute, excusez-moi. Voilà, j'ai oublié de revenir. Peut-être je une. Je me suis dit que t'étais parti, je sais pas, on t'entendait plus. Ouais, non, je suis juste parti tousser. Voilà. Peut-être une toute dernière question parce que l'heure tourne quand même. Moi, je parlais lundi soir avec un ami qui conduit des projets de recherche dans un contexte d'hôpital universitaire. Puis il me faisait remarquer qu'il constate une tendance de plus en plus marquée de la part des médecins à brandir les statistiques issues des recherches quantitatives comme des vérités. Donc le biais ici, en fait, n'est pas tellement statistique, hormis que l'on attend une vérité plutôt que des probabilités de la part de l'outil statistique. Mais c'est plutôt le fait qu'on a tendance à considérer comme vraies certaines études, on induit une notion de vérité plus que de probabilité, et du coup, par définition, on considère comme faux tout le reste. Quoi. Tout ce qui n'a pas encore été étudié n'a pas simplement, n'est pas en attente d'être exploré, c'est faux. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates aussi, est-ce que c'est pas un des biais justement, un des risques en tout cas de la démarche, plutôt au niveau des attentes des résultats que les statistiques peuvent fournir, plutôt qu'au niveau des statistiques elles-mêmes? Oui, alors il y a peut-être une exagération de l'importance des statistiques, mais ceci dit, ce qu'on peut pas mesurer... En psychologie, il y a par exemple des observations, des études de cas où il n'y a pas de chiffres du tout statistiques, mais c'est de l'interprétation. Donc on peut toujours dire ce qui est raconté à la fin, c'est plus ou moins une opinion. Quoi. Même si c'est une opinion l'opinion d'un expert, c'est quand même une opinion. Donc je pense quand même que ce qui est mesurable et donc traité dans les sciences humaines par les statistiques, parce que dès qu'on mesure dans les sciences humaines, on est obligé plus ou moins de faire des statistiques, c'est plus fiable. Par contre, c'est vrai aussi qu'il y a une espèce d'intimidation mathématique et qu'on utilise les statistiques pour impressionner simplement. Et que, alors ça se voit beaucoup en psycho où les gens sont très friands, surtout dans les grandes revues, de machins à la mode. Et donc à chaque fois qu'il y a un truc super compliqué qui sort en stats, tout le monde essaye de l'utiliser pour montrer qu'ils sont très forts en stats. Alors il y a des méthodes de plus en plus compliquées, avec plein de chiffres partout, des trucs qu'on ne comprend pas, on est obligé de lire plein d'articles pour se mettre au courant de ce que c'est. Et puis finalement ça fait la même chose qu'avant, mais comme ça a l'air mieux parce que c'est compliqué et que personne ne connaît, quoi. Donc oui, il y a une espèce d'intimidation avec les chiffres, ça. Ouais. Ouais, à partir du moment où on peut coller un chiffre, ça a l'air d'être un peu plus vrai, c'est ça? Ouais, c'est ça, ça donne une impression de sérieux. Ouais, ouais. Mm. Alors que les stats, oui, c'est toujours probabiliste, donc c'est pas... Ça fait pas des sciences humaines, des sciences exactes, quoi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'en sciences humaines, contrairement à ce qui se passe en maths, en tout cas... On ne se contente pas d'une publication. Donc, hein, quand il y a une publication qui démontre un résultat, ça ne veut pas dire grand-chose. On attend qu'il y ait plein de réplications de l'expérience pour être convaincu. Mais tout à l'heure, j'ai oublié de dire un truc, il me semble, qui m'avait paru intéressant. Oui, c'est sur les conflits d'intérêts. Je voulais juste ajouter quelque chose, parce que les conflits d'intérêts, ce n'est pas forcément conscient. Et on ne se rend peut-être pas compte à quel point, quand c'est inconscient, ça peut être important quand même. Parce que moi j'ai discuté avec beaucoup de gens qui ont des conflits d'intérêts parce qu'ils travaillent sur les OGM par exemple, et ils sont financés par les amis de Monsanto et compagnie, quoi. Mm-hmm. Monsanto, c'est pas le plus gros, je crois, on le cite tout le temps, je sais pas pourquoi, mais... et je suis absolument certain je pense à une personne en particulier, qu'elle est vraiment très très honnête et qu'elle fait son mieux pour être absolument rigoureuse. Ceci étant, même comme ça, quand on a une idée, donc même en dehors des aspects financiers, quand on a une idée, on est toujours influencé par ça. Mmh. Et ça a été illustré très bien il y a plus d'un siècle par Binet, qui travaillait sur l'intelligence. Et alors lui, c'est vraiment admirable, parce que ce qu'il a fait, c'est se remettre lui-même en cause à une époque où il n'était pas obligé de le faire, donc je trouve ça vraiment admirable. il pensait que l'intelligence, ça dépendait de la taille du crâne. Donc il allait voir des enfants, il mesurait le crâne, il mesurait l'intelligence, et puis il concluait en regardant avec les statistiques, quoi, et il trouvait qu'effectivement, les enfants intelligents avaient un plus gros crâne, quoi. Et puis il avait un thésard qui faisait la même chose dans d'autres classes, qui ne trouvait pas le même résultat. Et il s'est dit, c'est quand même bizarre ce truc. Et c'est là qu'il s'est dit, il faut le faire en aveugle. Et donc il a dit, bah, toi tu vas tester à son étudiant, toi tu vas faire passer le test d'intelligence, et après tu me les envoies, mais tu me dis pas s'ils sont intelligents ou pas, quoi, d'après le test. Hein. Mmh. Et là il n'y avait plus aucune relation. Et donc il a écrit là-dessus pour dire, même inconsciemment, quand on a une idée, c'est incroyable, je devais mesurer un peu différemment, parce que c'est un espèce de ruban, donc c'est pas très très fiable, quoi. Et donc inconsciemment, j'essayais de valider mon hypothèse. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, dans le podcast qui traitait de ce sujet des conflits d'intérêts, l'intervenant a clairement dit aussi que les chercheurs qui travaillaient sur des études financées par le privé n'étaient pas du tout conscients, il a dit très clairement, conscients qu'ils pouvaient à un moment ou à l'autre biaiser l'étude, même si elle était biaisée, mais ils ne le faisaient pas du tout de manière consciente. Donc ça, on est très clair là-dessus. Ouais. Ok, parfait. Ben voilà, on arrive au bout. Merci bien. Alors peut-être encore une ou deux petites choses. Donc on peut t'écouter sur le balado une fois par mois de scepticisme-scientifique.blogspot.com, c'est ça? Oui, ça doit être, ouais, ça. Ça doit être ça. Je crois que tu maintiens aussi un blog, psymat.blogspot.com, c'est juste? Ouais. Là, tu traites un peu de l'actualité psychologico-statistique, on va dire, ou bien ? Non, c'est pas vraiment de l'actualité, en fait. J'essaye pas de... Alors, de temps en temps, c'est d'actualité parce que j'entends des choses, mais je cherche pas à être dans le vent tellement. Donc, je parle de manière très pointilliste de choses qui m'intéressent, simplement en psycho, en maths. Voilà, donc, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un truc pour dire à quel point ce n'est pas d'actualité sur les singes et puis merde, je trouve pas. L'insight learning, voilà. Alors, ça, c'est une expérience très connue, mais qui a déjà un siècle quasiment. D'accord. On met des chimpanzés dans une pièce avec une banane au plafond et ils doivent empiler des caisses pour attraper la banane. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils restent pensifs en regardant les objets pendant un certain temps, et puis d'un coup, ils ont l'idée et ils empilent les caisses. Voilà. Excellent. Alors, maintenant, ça nous étonne beaucoup moins qu'à l'époque, mais à l'époque, on pensait tellement que les animaux étaient débiles que ça a énormément surpris, parce qu'on s'est dit, ah bah finalement, ils arrivent à avoir des représentations mentales de la situation, c'est formidable. Voilà. Donc j'ai fait un truc là-dessus, sur quelque chose qui n'est vraiment pas du tout d'actualité, vous voyez. Donc ça, c'est un peu comme ça. D'accord, donc psymat.blogspot.com, on mettra ça sur le site aussi de Podcast Science. Bien sûr. Et puis, tu as parlé de livres tout à l'heure. Tu en as écrit plusieurs. Oui, alors dans les livres grand public, il y a celui dont j'ai parlé, Statistiques, méfiez-vous, donc qui passe en revue un certain nombre d'erreurs qu'on peut faire à partir des statistiques. Ensuite, j'ai publié chez Belin, comment ils ont appelé ça? C'est pas moi qui ai choisi le titre, et ils ont appelé ça Vous avez dit vous avez, hasard. voilà, vous avez dit hasard, donc sur le hasard en maths et en psychologie, parce que c'est mon dada un peu, hein, tout ce qui est à cheval entre les deux. Et puis j'ai deux tout petits livrets publiés chez Bookybook, un sur la numérologie qui doit s'appeler Quand les nombres font perdre la boule, où je me suis bien amusé avec la numérologie. Ouais, Et j'imagine bien, ouais. puis un autre que j'ai écrit avec Jacques Van Riller sur les psychanalyses. Donc on a appelé les psychanalyses des mythologies du 21e siècle, je crois, ou du 20e siècle plutôt, pardon. Voilà, alors moi je me suis occupé de. Pour dire quand même, parce que Jacques Van Riller, c'est pas la même pointure que moi, question psychanalyse, évidemment. Lui s'est On le occupé. connaît pas, c'est qui? Alors il a participé au livre noir de la psychanalyse, qui était un livre critique sur la psychanalyse, qui s'est très bien vendu, qui a eu beaucoup d'écho. Et puis il passe assez régulièrement à la télé, etc., pour parler de ça. En fait, lui, il était au départ, à peu près, avant de se rendre compte, par hasard, plus ou moins, que finalement, il y avait des trucs beaucoup plus efficaces. Et puis il a remis un peu ses idées d'avant en question. Et donc, il connaît vraiment très, très bien le truc, hein, parce qu'il a appris l'allemand pour pouvoir lire Freud dans le texte. Enfin, voilà. C'est Oula, ouais, ce genre, courageux. ce genre-là, quoi. Donc, dans le petit livre qu'on a fait ensemble, j'étais très fier qu'il accepte. En fait, il a fait toute une partie sur la psychanalyse, et moi j'ai fait une partie beaucoup plus dans l'esprit de sciences et pseudosciences, pas sur la psychanalyse elle-même, mais sur des thérapies un peu bizarres qui sont dérivées de la psychanalyse. Parce qu'il y en a pas mal, des choses un peu folkloriques. Juste pour en citer une, il y a la nouvelle médecine germanique là, qui prétend que tous les cancers sont en fait des troubles d'origine psychique. Mais c'est pas mal basé sur la psychanalyse au départ, ça. Ouais, bon, dernièrement, Freud, il est un peu malmené, j'ai l'impression. L'occasion d'en parler peut-être une autre fois, non? Ouais. Il y a eu une émission, je crois, sur le podcast de Jean-Michel Abrassard là-dessus. Alors, je ne l'ai pas écouté. Sur la psychanalyse, ouais, je ne l'ai pas écouté, Ouais, il me donc. semble. Eh ben, on regardera ça, ouais, alors j'essaierai de l'écouter. Très bien! Excellent. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bah non, merci à vous. Merci à vous. C'était vraiment formidable de pouvoir aborder en profondeur un thème aussi passionnant, mais aussi surprenant. On va peut-être quand même rappeler ce qu'on disait en préambule, c'est que les statistiques restent un outil extrêmement important pour faire avancer la science. Le but de l'émission d'aujourd'hui n'était pas du tout de démolir les statistiques, mais plutôt de rendre attentif au fait qu'elles peuvent parfois être malmenées. Et bon, pour ma part, j'ai l'impression que j'y verrai beaucoup plus clair à partir de maintenant. J'espère que ce sera le cas des auditeurs également. C'était vraiment, vraiment extrêmement instructif. Un tout grand merci. Ouais. Merci à vous encore et à Encore bientôt. juste avant de terminer, J'ai l'habitude dans chaque émission de faire une citation qu'on appelle quote, mais aujourd'hui, pour l'occasion, ce sera pas une quote, ce sera, bon, je l'ai appelé démystification, mais ça rentre un peu dans ton domaine, tu verras, c'est assez drôle. Donc c'est, vous avez tous, en fait, je vais essayer de démystifier une sorte de pseudo-science qu'on entend souvent tourner autour de nous. Je pense qu'une fois ou l'autre, dans votre vie, vous avez tous entendu quelqu'un vous dire que lors du décès, lorsqu'on a annoncé le décès d'un proche, on vous dit, ah oui, j'avais pensé à cette personne juste 5 minutes avant. Ah ouais, D'accord? Et c'est puis là, tout de classique. suite, relation cause à effet, ouh là là, il y a des pouvoirs et tout ça. Donc en fait, si on regarde les probabilités, il y a un petit truc sympa. Alors, petite histoire. Supposons, ce qui est très modeste, que Monsieur Paul connaisse 1000 personnes. Donc, on dit connaître au sens large du terme, où il connaît par exemple Jean-Paul II. Donc, supposons que Monsieur Paul connaisse 1000 personnes, dont il apprendra le décès durant les 30 prochaines années. Supposons aussi, ce qui est très modeste aussi, que Monsieur Paul ne songe à chacune de ces 1000 personnes qu'une fois en 30 ans. Donc la question est de savoir quelle est la probabilité qu'il pense à une de ces personnes et que dans les 5 minutes qui suivent, il apprenne son décès. Donc le calcul des probabilités permet de déterminer que cette probabilité est faible, un peu plus de 3 chances sur 10 000. Mais, c'est là où il y a le truc, Monsieur Paul habite un pays de 50 millions d'habitants. Donc pour cette population, si on extrapole, il y aura 16 000 mystérieuses prémonitions en 30 ans. Ce qui fait tout de même 530 cas par an, plus d'un cas par jour. Donc voilà, je pense que ça peut expliquer en grande partie ce phénomène. Qu'est-ce que vous en Bon, pensez? ah, c'est très très bien. En plus, ça illustre justement l'importance des calculs probabilistes, en tout cas, Donc même s'il voilà, y a des statistiques. Ouais. ouais, si un jour quelqu'un vous dit que lors de nos sets, quelqu'un il a pensé juste 5 minutes avant à cette personne, vous pouvez lui ressortir ce petit calcul probabilistique pour lui montrer que voilà, il y a pas mal de hasard dans tout ça. On y songera, mais ça fera un bon sujet de discussion le moment venu. Voilà, très bien. Bah Ok, alors, encore excellent. merci à toi, Nicolas, et bon, on va en rester là, je crois, pour cette semaine. Ok, très Ok, bien. merci, allez. À Bonne tout, je vous journée. remercie. À la semaine prochaine. Ciao.